1. Bonjour, Madame Dupuis. Bonjour, Monsieur Delage. Vous allez bien ? Très bien, merci. 2. Bonne journée, les enfants. À ce soir, maman. 3. Salut, Manon. Tu vas bien ? Salut, Alice. Oui, ça va. Et toi ? Ça va. 4. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, monsieur. À bientôt.